بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى. أما بعد، أمس أخذنا أنا أخي، donc on avait lu la leçon numéro 7, 8. Parmi les choses qu'on avait dans la leçon numéro 8, c'était plus du vocabulaire. On avait laissé une autre partie, il y a des règles qui se rapportent à cette leçon là. On a vu Amam ou Khalf. On a vu que ces deux là, ça s'appelait comment? Zaf Makan. Donc c'est le troisième premier Zorouf Al-Makaniya qu'on a pu voir. Le premier c'était Tahta, et là on a complété Amam et Khalf. Donc c'est l'opposé. Et le. Non, l'opposé, c'est pas l'axe. Non, parce qu'on a vu Tahta, mais faux. Tahta, on a pas vu. Il n'est pas mais faux. Donc, Inch'Allah, on va continuer. Et le reste des règles qu'il y avait à voir dans la son. Comme on a pu voir, on avait dit. Là, ça va tourner autour de. Quelle leçon qui est importante dans la grammaire? C'est les mots qui sont mu'arab et les mots qui sont mevenis. Il y a des mots qui sont arabes et des mots qui sont mevenis. C'est-à-dire, il y a des mots dont la terminaison va changer, par rapport au amil qui va rentrer dans ce mot-là. Sa terminaison va changer en fonction du mot qui va le précéder. Et il y en a que même si jamais tu mets n'importe quelle chose qui le précède, jamais il change. Jamais il change. Ce qui jamais change, il s'appelle le mabni. Pourquoi il l'appelle le mabni? Il est comme une construction. Une chose qui est construite, c'est un édifice, il ne bouge plus. Amal mu'arab, dans l'aura, il y a plusieurs sens. Et parmi ces sens, c'est quoi? Al-tarayyur. L'alternement, comme ça, le changement, tu vois. Donc là, on va expliquer ces deux points-là. Après, c'est le contrôle. On avait dit, dès qu'on arrive à la 8e leçon, c'est-à-dire qu'on prend la 8e avec, et le reste, contrôle. Donc ce sera un contrôle sur les vocabulaires et sur les règles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme je dis là, Al-Mu'arab, donc là, il y a la leçon qui va tourner autour de quoi? Al-Mu'arab ou Al-Mabni. Al-Mu'arab, je dis là, هو الاسم الذي تغير آخره بسبب العامل الداخل عليه. Donc c'est le nom, le mot. Donc le Mu'arab, ça rentre, c'est pareil. Le Mu'arab, c'est juste pour les choses qui sont, c'est un mot. Donc dans les cas, on va voir aussi les verbes. Amal, les ahruf, ça rentre pas dedans. Les particules, je ne sais pas comment on appelle ça, le harf, ça ne rentre pas dedans. Ils sont mebnés. Donc, al-mu'arab, je dis, donc c'est l'ism alladhi yataghayyara na'am akhirahu. Donc, c'est l'ism, c'est le nom, le mot, dont yani, la terminaison va être amenée à changer, à être modifiée. Pourquoi? Qala bisababi al-hamil dakhilati al-dakhila alayhi. Par cause yani, du mot qui va le précéder avant. L'amil, c'est celui qui va faire l'action de changer la terminaison. L'amil, c'est celui qui va faire l'action de changer la terminaison du mot. Comme on a pu le voir, مثلا, al-bayt, s'il n'y a rien qui le précède, al-ma'ruf, al-asl fil asma, c'est quoi? Al-rafa, c'est qu'il soit avec une dhamma, ou dhamma s'il est défini, ou dhamma t'in s'il est indéfini. Donc si jamais maintenant je venais à rentrer un amil, yani, une chose qui va porter, comment ça s'appelle, qui va faire l'action sur la terminaison du mot, qui va la modifier, ça sera en fonction de ce que nous pour l'instant parmi les causes qui modifient la fin des mots, on avait quoi? Harf al-jar. Jusqu'ici on avait quoi? Que harf al-jar. Donc fi, maintenant si je le fais rentrer, fi al-bayt qui asluhu c'est al-baytu. Si je le fais rentrer dedans, il va se finir par quoi? Al-bayt. Pourquoi? Parce que le amil, mais il aura modifié sa terminaison car elle a la capacité de faire ça. Donc c'est le mot dont la fin va être mu'arab. Celle qui va changer de ou i a par la cause d'un amil, on appelle ça un mot qui s'appelle mu'arab. Ça s'appelle mu'arab. Après tu as al-aks. Le mu'arab c'est mabni. Al-mabni c'est le mot qui bouge jamais. Tu le rentres, qu'il soit précédé par n'importe quel amil, n'importe quelle chose qui va porter l'action sur lui, jamais il va bouger. Il ne bougera jamais. C'est le cas, mathalan, de men. C'est un exemple. Mathalan, je vais dire men takallama. Qui a parlé? J'ai envie de modifier le sens de la phrase, de dire sur qui tu as parlé. Je vais rentrer fi. Fi, il a la particularité, c'est un quoi? C'est un harf jar. Ça? Donc normalement, il a la particularité de changer la terminaison du mot. Tam, man, c'est un ism, ma'rouf. Tamam? Lakin, ce ism-là, il est mabni. Il ne bouge jamais. Tamam? C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, que tu mettes fi, que tu mettes ala, que tu mettes n'importe quelle chose qui va le précéder, jamais il va bouger. Tu ne diras pas fi, mani. Abadan. Il reste comme il est. Ça, c'est le mabni. C'est-à-dire que ce que tu le mets de. Quoi qu'il précède, il jamais bouge. Ça c'est le mabni. Ensuite, le plus simple c'est le mabni. Parce que le mabni c'est simple. Toi, qu'est-ce que tu as fait dîner par rapport à ça? C'est si jamais maintenant tu vois un mot dans la terminaison, tu vois change d'un état à un autre. Ça tu peux déjà juger que ce mot-là c'est quoi? C'est un mot mu'arab. Un mot dans la terminaison, il va te modifier. Si jamais tu vois un mot, jamais sa terminaison bouge, alors qu'il y a des choses qui l'ont précédé. D'awam qui l'ont précédé, des choses qui font l'action dessus, ils l'ont précédé, jamais il bouge, tu peux, qu'il y a des cash, juger qu'il est mabni. Tu as une autre sorte qui est entre les deux, qui s'appelle, comme on va le voir, c'est al-mu'arab al-matlafikum al-taqdiri. C'est-à-dire que c'est la terminaison de la fin du mot, elle est sous-entendue. Elle est sous-entendue, mais elle n'est pas, elle n'est pas prononcée. Elle n'est pas kadalika mabni, elle change jamais. Elle change, mais elle n'est pas apparente. À l'écrit ou à l'oral? À l'écrit et à l'oral. En fait, c'est simple, il faut juste connaître la terminaison du mot. On va le voir. Il y en a trois catégories de mots qui, si vont se finir avec trois lettres particulières, ça, tu peux dire que ce mot-là, il est mot arabe, lakin takdiri. C'est-à-dire, son arabe, le changement de sa terminaison, il est sous-entendu. Ça va venir en arabe, puisqu'il a ramené le mot al-mustashfa. Al-mustashfa, tu peux mettre ce que tu veux. Zahabtu ila al-mustashfa. Marantu bil mustashfa. Yani ana jalis fawq al-mustashfa. Ma yatahara. Yani ma il change pas. Mustashfa, fa. Lakin, est-ce qu'il est mabni? Non, on va le voir. Il est mu'arab, lakin, la terminaison à la fin, elle est sous-entendue. Pourquoi? Parce qu'on va voir cette alif maqsura. Yani tu peux pas prononcer avec la terminaison du mot. On va l'expliquer, inshallah. Tamam? Donc, ça, c'est le premier truc. Ça c'est juste un petit aperçu. Donc le premier est simple. Al-mu'arab, هو الاسم الذي تغير آخره بسبب العامل الذي الداخل عليه. Ça c'est compris. Tout mot dont la terminaison va se finir par cause d'un amil qui l'aura précédé, ça s'appelle mu'arab. Ensuite je dis وهو ينقسم إلى قسمين. أي وهو ça revient à mu'arab. وهو ينقسم إلى قسمين. Donc il se divise en deux parties. مُعْرَبُ لَفْظِ وَمُعْرَبٌ تَقْدِيرِ. مُعْرَبٌ لَفْضِي, c'est celui donc la terminaison du mot elle est apparente, comme c'est le cas avec, comme on a fait avec البيت. البيت مرنت بالبيت تمام بنيت البيت إلى آخره. Ça s'appelle مُعْرَب لَفْضِي. Pourquoi ils ont dit لَفْضِي? Parce que la terminaison du mot تمام, le O, I, A, il se prononce et en plus elle est apparente. C'est pour ça qu'ils ont dit لَفْضِي. لَفْضِي, c'est-à-dire qui est orale et qui est apparente. تمام. Ensuite, à celle qui est mu'rabun taqdiri, c'est-à-dire que là, le changement, il est là, il est hasil, il est effectué, tout même. Lakin, on ne voit pas, et ni il se prononce. On ne voit pas, et ni il se prononce, tout même. Comme j'ai dit là, pour la définition, al-mu'rab al-labdi, donc celui qui, dont la terminaison, elle est apparente, et en plus, ça se prononce, tout même, huwa al-ismu alladhi dhahara harakatu akhirihi. C'est le nom dont la harakat, la dernière harakat, sa terminaison, elle est apparente. De la terminaison, elle est apparente. Tamam, maintenant, tu prends, comme on a dit, Al-Bayt. La terminaison du mot, elle est apparente ou pas? Elle se prononce Al-Bayt. Faizan, Mu'arab, Lafzi. Pourquoi Mu'arab? Parce que si jamais je me fie, il va changer. Donc, il n'est pas mebni. Tamam? Khalas. Donc, celui-là, on peut dire déjà, c'est un Mu'arab, il est Lafzi. Parce que sa terminaison, yani, elle est apparente et on peut la prononcer. Et lui, il a amené à elle modifier. Tamam? La deuxième catégorie, Al-Mu'arabu al-Taqdiri. Donc, celui dont la terminaison, elle est sous-entendue. Tamam? J'ai dit, huwa ma la yadhhar harakat akhirihi. C'est le mot dont n'apparaît pas la terminaison yani de ce, du mot. Elle n'apparaît pas. Ni elle apparaît, et ni elle se prononce. Comme c'est le cas, مثلا, de Mustashfa. Un Mustashfa qui est hôpital. C'est le ma'ruf. Mustashfa, l'an, si on venait à écrire les harakat, Mustashfa. Est-ce que la dernière de harakat, elle est apparente? Non, parce que c'est quoi le dernier mot? C'est quoi la dernière lettre? C'est Alif Maksoura. Oui, l'avant-dernier. Alif Maksoura, t'as même? Il n'y a pas de harakat. Il n'y a pas de harakat. Est-ce qu'elle se voit? Elle ne se voit pas. Est-ce que tu peux la prononcer? Tu peux ni la prononcer. Si je rentre un ramil dedans, est-ce que ça va changer la fin du mot? Est-ce que tu vas dire fil mustao? J'ai oublié l'alif lam. Ou l'an? Fil mustashfa? Est-ce que tu peux dire fil mustashfi? Mustashfi, si tu dis mustashfi, il va comprendre que c'est celui qui guérit. C'est une autre chose. El mustashfa, c'est l'endroit. Déjà, à la base, comme ça, je ne suis pas mustashfi. Tu ne disais pas ces choses-là. Mustashfa. Tamam, mais l'an, la personne a pu se poser une question. Et a dit, tamam, on a rentré fi. Quelle est la particularité de modifier la terminaison du mot. Mais malgré cela, la terminaison n'a pas changé. Donc c'est un mebni, il va te dire. Parce que fi, il est rentré, ça n'a pas bougé. Là, on leur dit non. Il n'est pas mebni. Pourquoi? Parce que ça, nous, on a pris directement des grammaires, tu vois, les Arabes. Hein. Celui-là, là, à la base, pourquoi ils n'arrivent pas? Normalement, c'est moustache fa yi. Mais tu ne peux pas le prononcer, ça ne se dit pas. Ils disent, à partir du moment que l'alif maqsoura, tamam, à rentrer dans le mot, tu ne peux pas prononcer la terminaison du mot. Ta'adhur. C'est impossible. Ils disent pourquoi là, le changement il est effectué, il est sous-entendu, mais il n'est pas apparent, il n'est pas prononcé. Ils disent parce que lorsqu'un mot, il y aura l'alif maqsoura, on va voir aussi, il y a d'autres mots, tamam. Tu as l'alif mamdouda et il y aura l'ya. Ça va venir, Inch'Allah. Donc on commence, Inch'Allah, par celle-là. C'est-à-dire le mot, dès que tu vas le voir finir avec cette barthlofikum, cette alif maqsoura, donc c'est la forme du ya, mais sans les points, tamam. Si tu vois qu'il finit par cela, là tu peux déjà juger que ce mot-là, il est mu'arab, tamam, il est mu'arab. Et c'est quoi la cause qui nous empêche de pouvoir prononcer la terminaison de ce mot-là? C'est la alif maqsoura, qui, lorsqu'elle est attachée avec un mot, elle empêche de pouvoir prononcer la dernière harakat. Donc il faut connaître les mots. Pour connaître, c'est simple. Là, c'est simple. Là, tu prends quoi? Tout ce qui se finit avec Alif Maksoura, halas. Maintenant, prends le cas de Moussa, Isa, tamam. Kazalika. Ça, c'est des asma qui sont mu'arabes. Moussa et Isa. Tamam, la même chose. Marantou, bi Moussa. Je suis passé à côté de Moussa. C'est pareil, bi Moussa. Ça ne change pas. Si j'écris un mot, est-ce que je peux savoir. Je peux détecter sur le mot comment le faire finir par Alif Maksoura? Non, la même chose, c'est comment ils appellent ça? Ils appellent ça un essai sam'i. C'est-à-dire que les Arabes, ils ont parlé comme ça, et les gens, ils ont vu, il y en a les. Ouais, il faut les connaître, c'est tout. Est-ce que tu peux faire un qiyas, il y en a trouvé un autre mot? Allah Adam. Si on fait une annexion avec Moustache. Voilà, chez. Mahma, à partir du moment que Alif Maksoura rentre dans un mot, abeddan, le mot, il va sortir. La dernière harakat, elle sortira jamais. Pourquoi? Parce que ça empêche de pouvoir prononcer. Cette Alif Maksoura, ils ont vu les grammairiens, à travers la langue arabe, que les Arabes, lorsqu'ils prononçaient un mot qui est donné, comment s'appelle, sa terminaison avec une alif maqsoura, ils ont dit jamais ils ont prononcé la fin de la terminaison, la harakat. Ils ont dit idan, tout mot qui finit avec une alif maqsoura, c'est même il est mu'arab, il peut être changé. Il dit mais là, le problème avec celui-là, c'est que tu peux pas prononcer la fin du mot, c'est tout. Elle est sous-entendue. Allez souvent sur les mathalans. Quand tu vas faire, quand vous allez arriver maintenant dans Ajournia, quand des fois ils vont te demander de faire yani, un arabe, c'est-à-dire l'analyse grammaticale de ce mot-là, ils vont dire fais des arabes de ça, toi tu vas dire fi harf al jar. Mustachfa, tu vas dire majrour, c'est celui qui a subi l'action du jar. C'est celui qui est devenu avec une kasra, ou kasratin, ou les choses qui remplacent la kasra, ou kasratin. Ensuite tu vas lui dire il est majrour. Lui il va te demander c'est quoi sa alama, c'est quoi son signe qui nous prouve qu'il est majrour. Comme مثلاً, tu vas dire Al-Baytu. Ou plutôt Al-Fil-Bayti. Si je te demande c'est quoi le signe qui prouve qu'il est majrour, tu vas me dire le I, la kasra. Donc là, c'est la même chose. Ils vont te demander, puisqu'il est mu'arab, donc c'est quoi son signe? C'est quoi sa alama? Toi, tu vas dire c'est la kasra muqaddara. C'est la kasra qui est sous-entendue à la fin du mot. Mana'a min zuhuriha, et la chose qui a empêché qu'elle apparaisse, Al-Alif maqsura. Vous avez compris? Quand ils vont demander c'est quoi, comment tu analyses ça, tu vas dire fi harful dar. Mustachfa, majrour, c'est celui qui a subi l'action du dar. Il va dire c'est quoi alamatu darhi, c'est quoi la preuve qui nous prouve qu'il est majrour? Tu vas dire la kasra qui est sous-entendue, qui n'apparaît pas à cause de l'alif maqsura. Ici, مثلا, tu vas faire l'alif maqsura, tu vas dire bait majrour. Il va dire c'est quoi ça, son dalil qui est majrour. Tu vas dire alamatu jarrihi, son dalil qui est majrour, c'est la kasra. Al-zahira fi akhirihi, qui est apparente à la fin du mot. Pourquoi? Parce qu'il a un samu arabe l'abdi. Et rien qui l'empêche de pouvoir prononcer la fin du la harakat à la fin. Donc ça c'est simple, regardez. Toi prends ça. Une qaida, tu vois un mot qui se finit par un alif maqsura, tu peux déjà juger que ce mot-là il est mu'arab, lakin mu'arabun taqdiri. Un changement qui est sous-entendu. Pourquoi? Parce que l'alif maqsura m'empêche que la harakat elle apparaisse et qu'à l'alika soit prononcée. Si tu vois un mot dont la terme se finit, je veux dire à change, à permis d'une situation à une autre, halas. Tu peux juger directement ce mot-là, il est mabni. Il est mu'arab. Il est mu'arab, mu'arabun nafzi, c'est-à-dire la harakat elle est prononcée, elle est apparente. Si tu vois que jamais il change, donc c'est-à-dire que tu enlèves déjà les. C'est celui qui se finit pas avec alif maqsura et on va voir les autres choses, même. Si jamais tu vois ces mots-là en dehors des trois là, khalas. Et jamais ils changent, comme man, comme barakalafik, ou ma, comme d'autres mots encore. Fahada, tu dis directement que c'est quoi? Il est mabni. Donc le mabni là, pour finir, el mabni, huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan bi ghayri sababin. Donc c'est le mot, qui reste. Lazima, c'est une chose, yani, quand je dis matan, lazima makanahu, c'est qu'il est resté à sa place. Lazima akhiruhu halatan wahida. C'est-à-dire que la terminaison de ce mot-là, elle bouge jamais. Elle est toujours sur une même situation. Elle bouge jamais. Tamam? Biréli sababin. Yani, il n'y a pas de cause. La personne va dire, mais pourquoi il bouge jamais? Il n'y a pas de sabab. Il n'y a pas de cause. Les Arabes, ils ont prononcé comme ça. Yani, il y a des mots qu'ils ont prononcé les Arabes et jamais, jamais, jamais la terminaison de ce mot-là a changé. Ils appellent ça, cette catégorie-là, mabni. Chose qui bouge pas. Tamam? Ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Est-ce qu'il y a un sabab pour ça? Non, il n'y a pas de sabab. Il y aurait des sababines. Tamam? Ça, c'est la leçon. Vous l'avez compris? C'est ce qui ne bouge jamais. Ça vient de Bina. Parce que tu parles de Bina, c'est qu'une chose qui ne bouge pas. C'est un édifice. Vous l'avez compris? Regardez ce que je vous propose, parce que là, il reste peu de temps. C'est qu'on fasse un peu d'exercice à l'oral pour que. On teste un peu votre compréhension, parce qu'il nous reste un quart d'heure, 10 minutes pour vous. Et ça, vous le copiez après. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire. Vas-y, vas-y, stoppez, pause. On va faire un petit peu d'exercice, histoire qu'on va tester un peu la compréhension. Donc, exercice numéro 1. Adib anil as'ilatil atiya. Répondez aux questions suivantes. Non, attends. Non, on va faire ta'ammal al-amthilatil atiya. L'exercice 5. Tamam. Numéro 5. Ta'ammal al-amthilat al-atiya. Il dit de porter réflexion sur les exemples l'année qui suivent. Là, il dit al-baytu. C'est un mu'arab ou pas? Est-ce qu'il est mu'arab ou est-ce qu'il est mabni? Pourquoi? Pourquoi? Voilà, il peut changer. Baytun. Tamam? Il change. Tamam? Donc il a dit Al-Baytu, moi il dit que c'est Mu'arab. Pourquoi? Parce que sa fin a changé. Elle est apparente, la harakat. Tamam? Donc c'est Al-Baytu, c'est Mu'arab. Chauffe, on verra, hatta dalil alayhi, Il dit quoi? Fil bayti. Il est changé dans ma là à kasra. Donc à partir du moment qu'il y a un changement, on appelle ça que c'est un mu'arab. Min al bayti. Machaytu min al bayti la masjid maintenant. Ila al bayti. Donc tous ces harouf al dar, ils sont venus, ils ont changé la fin du mot. Donc on appelle ça mu'arab. Mustashfa. Al mustashfa al an. Il bouge pas. Déjà, elle n'est pas apparente. C'est quand même mu'arab. Il est mu'arab. Pourquoi? Le mot qui se finit avec une alif maqsoura, il est mu'arab, il y en a qui fait partie des mu'arabat min al-asma. Des mots qui changent, mais dont le changement est sous-entendu. Comment on appelle ça? Mu'arab. Mu'arab taqdiri. Taqdiri, c'est ce qui est sous-entendu. Marquez-le. Al-mustashfa, fil-mustashfa. Min al-mustashfa ila al-mustashfa. Mais là, ça n'a pas changé, là, c'est même bénéfique. Ça n'a pas changé, là. Fil mustashfa, min al mustashfa ila al mustashfa. Ça n'a pas changé. C'est un mabni. Pourquoi c'est pas un mabni? Il est sous-entendu. Pour comment ça, il est sous-entendu? Il est sous-entendu. Comment tu sais qu'il est sous-entendu? Comment je sais? Ouais. Tout simplement parce que j'ai appris là-dessus. C'est-à-dire? Le son qui m'explique qu'en fait, tout ce qui est taqdir, c'est qu'il est sous-entendu. T'as sachant qu'une fatha, tu peux dire mustashfa iya ou iyu, mais vu que c'est pas dit, ça ne peut pas se dire. Mais c'est quoi le dalil? Comment tu sais que ce mot-là est sous-entendu? En quoi tu l'as connu? En quoi c'est que... Parce que la yudharu... C'est quoi le signe? C'est quoi le signe qui te permet de savoir que celui-là, il est taqdir, il est sous-entendu? C'est quoi le signe? Ouais, comment tu as pu savoir là, comme ça? Mustashfa. Parce qu'il bouge pas, ça. Bah, pareil, min hawala, hawala, je peux te dire, ben non, en vérité, c'est haoula. Lakin, comme c'est dur, ça se dit pas. Voilà. Tout simplement. Mais je l'ai dit, Maqsoura, je t'ai dit donc c'est sous-entendu. Tu n'as pas répondu à la question maintenant. Tu dis comme ça, la question. Lakin, tu n'as pas répondu à la question maintenant. Si jamais tu le savais, tu l'aurais répété. C'est rien que tu répètes ça, c'est pas, ça fait pas du mal. Tu vois? Donc c'est ça, Alif Maqsoura. Comment j'ai reconnu? Parce qu'il y a Alif Maqsoura. Chauffe l'an, Amérique, Dammarah Allah. Il veut quoi, Chia? Je finirai. L'Amérique. Fi Amérique. Il a Amérique. Min Amérique. Il a Amérique. C'est quoi? C'est Mabni, c'est Mu'arab, c'est Mu'arab Taqdiri, c'est Labdi, c'est quoi? Moi je dis c'est Taqdiri Kadalik. Taqdiri Kadalik. Et toi? Attention, c'est vers vague. Non, moi, c'est, moi, pour moi, il n'y a pas de. Il y a machin à la fin. Alif Maqsoura. Il n'y a pas d'Alif Maqsoura. Il est Mabni. Il est Mabni celui-là. Celui-là est Mabni. Celui-là il bouge jamais. Amérique, fi Amérique, min Amérique, il a Amérique. Est-ce qu'il change? Il change pas. Il change pas. Il y a Alif Maqsoura à la fin? Non. Il n'y a pas d'Alif Maqsoura, khalas. C'est un mabni. T'as Almania. Fi Almania. C'est quoi ça? L'Allemagne. C'est neuf. Donc il est mabni. Il bouge pas. Babri, il bouge pas. Ah, c'est tout. Attends, il y avait encore. Encore un waktoub. Ah, ouais, vas-y, lisez à la fin, non? Vas-y, lisez l'avant-dernier exercice. Ikra waktoub. Vas-y. Les premiers à gauche, à droite plutôt. Je veux toute la harakat. Hada at-tabib. Wajjan soa min Inkiliterra. Min déjà dit min. Je sais même pas si je le prononce bien. Inkiliterra. Inkiliterra. Inkiliterra. En Angleterre. Inkiliterra. Hein? C'est pas ça. C'est l'Angleterre. L'Angleterre. L'Inglise, c'est l'anglais. Inkiliterra. C'est pas Inkiliterra. Inkiliterra. Hein? Il y a min devant, ça? Donc pourquoi il est énorme, c'est Harul Dar? Non, mais il a un ex, lui, là, là, ce qu'on parle dedans, c'est Hada. C'est un médecin. Ah, de mine qui vient. De l'Angleterre. Si jamais il y aurait une annexion, il n'y aura pas de mine. Ah, peut-être. Comme on dit, l'annexion, c'est le Harul Dar qui est sous-entendu. Là, il n'a pas. Donc il est mort là ou il est même venu là? Il y a une Harul Dar qui est mine. Comment? Ouais. Mais il n'y a pas d'annexion. Qu'est-ce que j'en compte? Il y a une annexion avec mine. Non? Où? Ça n'existe pas. Il a une annexion. Une annexion, attention. Hein. C'est ce que ça, c'est pas de la, mais ça c'est pas le mandat, hein. Mandat fédéral. Hein? C'est pas du modaf modaf ilayhi ça. Si tu dis. Ouais, si jamais il est sous-entendu. Mais s'il n'est pas sous-entendu. Mais comme le lam temli qu'on avait vu hier dans le truc, ils l'ont fait apparaître, et ouais. On peut le faire sous-entendre. C'est neuf séchés. Ouais, mais lorsque tu le fais apparaître, ça s'appelle plus modaf modaf ilayhi. C'est une autre chose. Si jamais tu le fais apparaître, halas. C'est une autre chose. S'il est sous-entendu, tamam. Takdiri. Tamam. Inkilitarra. Inkilitarra. Vas-y, pour finir, vas-y. Inkilitarra. Vas-y. C'est quoi, les muharab, les mabni, les comment? Min inkilitarra. Pourquoi t'as pas dit min inkilitarri? Parce que lui, celui-là, il est mabni. Tamam. Pourquoi t'as pas dit muharab takdiri? Takdiri. Sous-entendu. Il ne se termine pas par un effet que ça. Nous, on marche avec Da'adillah. Pardon. Zahaba. Zahaba. Hamid. Hamidun. Hamid. Hamidun. Hamid. Hamidun. Je veux la terminaison. Dun, dan ou din. Zahaba. Hamidun. Illa. Illa. Issa. Illa. Illa. Illa. Farans. Farans. Je ne connais pas son pays. Faransa. Il est Faransa. Lakin, Zahab Ilayhi, ce n'est pas conseillé. C'est très déconseillé. Ça peut même très haram, surtout. Zahab Hamidun, il est Faransa. Pourquoi tu n'as pas dit il est Faransi? Il est là, il est Hafidja. Non. Pourquoi? Parce que. Walakin. Parce qu'il y a il est apparent. Qu'est? Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu n'as pas compris. Tu m'expliques? Il a pourquoi tu sais quoi que t'as demandé pourquoi t'as pas dit il a faransi parce que il a c'est un harf jar ça justement je dis c'est un harf jar c'est un harf jar donc c'est quoi il a faransi il a faransa ça c'est mabni change pas c'est simple sauf regarde le alif là ouais. Tu vois faransa la dernière ouais. Si tu vois un mot qui se termine par qui a un alif. Ah bah tu vois, ça, on l'a pas appris ça. Non mais ça c'est forcément, c'est dans le truc de la lecture, c'est-à-dire c'est un truc qui précède le tome. Parce que pour entrer dans le tome de Médine, il faut savoir lire. Ah bah j'ai plein de lacunes dans la lecture. Ça veut dire que, si je te dis, Iqra Karati, achète-le. Et demande à quelqu'un de lire sur quelqu'un. Lakin la tuhibbouna min nasihin. Le alif, ça va? Le alif, si jamais, lorsque l'alif est écrit, ce qu'il précède c'est quoi? Ça peut être qu'une fatha. Parce que le alif, il vient prolonger le son de la fatha. Faransa. Tamam. Donc ça ne peut pas être Faransi là. Donc la personne là on va te dire, maintenant là, c'est Ila Faransa. Tamam. Zahaba Hamidun Ila Faransa. La personne va te dire, mais pourquoi c'est pas Ila Faransi? Ila, il est d'accord là-dedans. Toi tu dis, parce que Faransa, ça, Ismou Mabni. Ça Mabni, il ne bouge pas. Et pourquoi c'est pas, on ne dit pas ça Mohrab, ni Mokaddar, ni Takdiri, qui se sont entendus? Parce que. Tu avais répondu un peu avant. Ah, parce qu'il n'y a pas de. Alif Makhsoura. Voilà. C'est tout bête. Pardon. Vas-y. Alors. Mahmoudoun. Ah. Maridoun. Ah. Houal-Ana. C'est un nouveau vocabulaire. Houal-Ana. Fil Moustachfa. Alif Makhsoura est égal. Alif Makhsoura. Donc c'est un quoi? Mohrab. Takdiri. Sous-entendu. Pardon. ذهب ذا عبد الله نعم من ألمانيا ألمانيا نعم ألمانيا إلا إلى إلى إنكليترا أو إنكليترا مثله مثل حركة تمليك. Ouais, pour t'apprendre, pour tu sais que au moins ça s'écrit comme ça, se prononce comme ça. Inkilitarra. Normalement, c'est écrit. Ils sont là. Tam. Ah, Inke. Inke. Inkilitarra. Inkilitarra. Inkilitarra. Inkilitarra. Donc c'est Inkilitarra. Inkilitarra. Donc là, Ani, Allemagne. Min, pourquoi t'as pas dit Allemagne? Moi, je suis pas sur Allemagne, moi. ذهب عبد الله من ألمانيا من ألمانيا من سحر فرجان با من عن نعم بوكو هذا الشيء التعميم سي با مجرور يا يا لو كيف يسابل سي تري Alif maqsoura. C'est maqsoura celui-là ou c'est même Mamdouda? Il a une formule. Non, parce qu'il y a le Alif, tu m'as dit, ça se finit par A. Ah, donc là on a prononcé A et non pas I. Donc ça nous prouve que quoi? Ce mot-là, il est. Il est. Mu'arab. Non. Mabni. Mabni. Il est Mabni, c'est-à-dire qu'il bouge jamais. T'as parce que la preuve. J'apprends les vocabulaires là, tu vois. C'est quoi la preuve? C'est que min il est rentré dedans et min a la particularité de changer la terminaison du mot. Et là, dans le cas là, il n'a pas été changé. Donc c'est Mabni. Et en plus, pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu d'Alif Maqsoura à la fin, comme c'est dans le cas de Mustachfa. Inkeltara, c'est la même chose. Inkeltara, c'est la même chose que Almania. Mabni, c'est dans le sens, c'est quoi? Qui est édifié, qui ne bouge plus. Il bouge plus. Comme j'ai dit. Wama, lazima akhiruhu, mais moi je vous l'ai dit, hein. Marqué avant, on saute. Ouais, il faut que je traduise. Ah ouais. Vas-y. Zahab al-kitab, hada al-kitab et tout. Alors. هذا الكتاب لي لعيسى نعم لعيسى بعدين وذلك الكتاب لموسى تمام هذا الكتاب لعيسى إلى المبتدا إلى الخبر déjà c'est quoi comme phrase avant c'est quoi comme genre de phrase nominal c'est quoi le dalil comme le pas commencer par un verbe. Il a commencé par Hada et Hada, ça peut partir des Ism Ishara. Donc phrase nominale. Donc phrase nominale, qui dit phrase nominale dit Mubtada wa Khabar. Et le Mubtada et le Khabar. Pourquoi? Pourquoi c'est Mubtada? Yabda bihi. Lakin, je veux le dalil le plus fort. Commence pas par le dalil le plus faible. Il commence toujours par. Non, le dalil que celui-là, il ne souffre pas d'exception. C'est quoi, Yanni, c'est quoi là qui va dire? Non, le dalil le plus fort. C'est ça, lui, il a trouvé, c'est ça, ça. L'information, elle tourne autour du hada, de la chose que tu es en train de démontrer. Là, tu démontres une chose, l'information, elle est sur la chose que tu démontres, ça. La chose que tu démontres, tu es en train d'informer que la chose que tu démontres, c'est un kitab. L'Irisa, c'est quoi? L'Irisa? Irisa, c'est quoi le. Ah, elle est sifa. Non, c'est quoi? Comment s'appelle l'I et c'est comment s'appelle Isa? L'I, il s'appelle l'Irisa. Et eh ouais, Farf Jar. Et Issa? Majrour. Ism Majrour. Parce que tout Harf Jar, il a obligé un Majrour. Comme le Mubtada, il faut qu'il y ait un Khabar. C'est-à-dire que celui qui a le Harf Jar, ce qui va suivre derrière, il sera Majrour. Donc tu diras comme ça, même si là c'est un nom propre, mais tu diras pas ça. Non. Quand tu vas faire un Arabe, tu diras pas ou Alam. Tu dis li Harf Jar, Issa, Ism Majrour. Là, même ça, Hatta, s'il demande c'est quoi le sens. Là, c'est son emploi dans la phrase. Sa fonction, comme ils disent. Les Gouertons. Wazalika al-Kitab li Moussa. Donc, la même chose. Vas-y, fais le dernier. Hada al-Muhandis. Je veux la terminaison. Hada al-Muhandisi. Hada al-Muhandisi, tamam. Min Amrika. Celui, il y a une qaïda dans le dîn, c'est As-sukut fi mahal al-inkar iqrar. Lorsque tu t'es dans un moment où normalement tu peux réprimander, c'est comme si tu as crié, tu consommes ces choses-là. Donc là, il a dit Hadal muhandisi. J'ai pas compris. Tamam, min imalika. Et Abu Qaysi, c'est tu. Oula. Donc il approuve. Et même le mudaris aussi, c'est tu. Là, le mudaris, il est en train de parler là. Non. Je peux rada ton kalam. C'est-à-dire, c'est tahta Allah. L'anna aish. Man ra'a minkum munkara. Fayughayru biyadi. Fa'illa misatab. Bilzani. Fa'illa misatab bi qalbi. Fa'ana ta vu mes yeux, c'était bi qalbi. Je dis. Non, mais ils disent, tu n'as pas le droit de passer du palier de la main si jamais tu as la capacité de faire avec la langue. Je n'ai pas la capacité. Parce qu'il faut respecter le mudaris, sa place. Tu peux lever la main? J'ai la capacité de lever la main. Parce que tu peux toujours lever la main? Tu peux lever la main? C'est-à-dire que tu n'es pas sûr? Oh là! Vas-y là! Non, hada! Non, hada, Mohandi, c'est à découler, mon frère, j'ai découlé. C'est simple. Mohandi, elle asse dans les asmas, c'est elle qui les marfoua. C'est-à-dire, soit une dame, soit une dame. Excepté, là, jusqu'à là, chauffe. Jusqu'à là, vous avez vu quoi? Que le huruf al-jar. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un huruf al-jar, tu laisses le mot avec une dhamma dans ma tête. Et lui, il ne va jamais te piéger. Tant qu'il n'y a pas une annexion aussi. Et l'annexion, كذلك. Vas-y, vas-y, c'est bon maintenant. T'as même pourquoi t'as changé? T'as dit Mohandisi, mais tu dis Mohandisu. Pourquoi? Déjà, je dis pas une parce qu'il est défini. T'as même. Et deuxièmement? C'est pas une annexion. Deuxièmement, attends, tu permets. Deuxièmement? El Mohandisu parce que c'est un alim. Masha'Allah. Allahumma barik. Un alim. Tu as donné une bêtise trop forte, ouais. Une, comment on appelle ça? Une réponse. Là, juste si minou ala yourni minjou. Elle a mis que une tête. Non. Ah ouais? C'est un. Mais je sais plus comment je fais. Parce qu'en fait. Pourquoi? Hein? Parce qu'il n'y a rien qui vient de changer. Mohan, du souffle. Il devrait changer. Vous ne pouvez pas savoir. Donc vous, là, c'est quoi? C'est que le asl. S'il n'y a pas un harfoudjar, donc le truc n'y a pas un harfoudjar, khalas. T'as même, là, je vous pose une question. Mohan, du souffle. C'est quoi son état grammatical là, Bonafas? Lui, il est défini. Défini. Lakin, c'est quoi? C'est le Mubtada. C'est le Mubtada. Et toi, tu dis quoi? Je dis c'est le Khabar. Ah ouais, tu dis c'est le Khabar. Donc là, là, si je comprends la phrase, chouf. هذا المهندس من أمريكا. Donc ça veut dire que là, l'information tourne autour de qui? Du Mohandis? Là. De هذا. De هذا. Donc comment l'information. C'est quoi l'information? Lui, il provient. Je veux l'information. C'est quoi l'information? C'est qu'il y a quelqu'un qui provient de l'Amérique. Qui est un ingénieur qui vient d'Amérique. Cette information-là, là, elle tourne autour d'où? De quoi? Donc ça ne peut pas être Mohandis al-Khabar. Le Mubtada, tu veux dire. Mohandis, ça ne peut pas être le Khabar. Mohandis, c'est un Khabar. Non. On peut le supprimer. Lequel? Le Mohandis. Supprime-le. Hada min Amérique. Tu peux supprimer. Donc ça vient, on va le rendre, c'est ne sait pas. Ni il apporte l'information, et en plus tu peux le supprimer. À qui c'est pas grave. Mais à Amérique aussi tu peux le virer. Non, parce que tu enlèves l'information. Hada al-Muhandis. Hada al-Muhandis. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Amérique, tu peux le virer. Hada al-Muhandis. Lui, le. Hada al-Muhandis. Je suis. Tu peux pas dire ça? C'est... Je viens, je te dis. Regarde, là-bas ça marche très bien ce truc de là-bas. Tac, tac, tac. Ya Abou Qais, هذا المهندس. Même tu vas me dire d'Amérique, je vais dire mais qui? D'Amérique. هذا من أمريكا. Lakin, est-ce que tu as compris qu'il y a quelqu'un qui vient d'Amérique ou pas? C'est un plus. Est-ce que tu as compris? Oui ou non? Pour moi, c'est un plus. Comment c'est un plus? Si jamais j'enlève من أمريكا, je te dis هذا, tu vas me dire mais là. هذا المهندس, tu vas me dire. هذا المهندس. هذا المهندس. Si je le définis. Tu vas pas comprendre, hein. Tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, il manque quelque chose. Je te dis, Hada Muhandisun. C'est comme si je dis, lui c'est Mohamed. Moi je viens à la porte. Moi je viens, je te frappe à la porte, je te dis, Hada Muhandis. Tu vas pas comprendre, c'est pas, il manque quelque chose. Il manque une sifette. Il manque quelque chose. Il manque l'information. Hada Muhandis ou l'autre? Hada Muhandis ou Khalfi? Voilà. Donc, Inch'Allah, Yawm al-Ahad, Mou'iduna. T'as même contrôle. Bon, sur quoi va se porter le contrôle et... Surtout. Dans quelles conditions se passe le contrôle? Les conditions, tu te présentes avec un stylo. T'as même, tu es avec une bonne nia. Et t'as révisé avant, bien sûr. T'as même. Non, mais... Ça va être des questions. Sur les règles. Quelques exercices. T'as même, avec des pièges. Avec des pièges. Et le vocabulaire. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك مع تحيتي دماج افاق واكم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين